Tu n'étais qu'un de mes plans. T'aimer ne faisait pas partie de mon plan. On se voyait de temps en temps. Je pensais qu'on pouvait gérer, pourtant. Tout a commencé à changer. J'ai commencé à te regarder en me disant pourquoi pas. Et si c'est elle, pourquoi pas. Ouh, pourquoi pas. Et si c'est toi, pourquoi pas. Le problème c'est que tu connais ma vie. Choisir c'est difficile. Avant de te connaître j'avais une vie. Tu sais que c'est impossible. Tout ce qui est arrivé de ma faute. Mais je laisserai pas ma femme pour une autre. Et tu voulais mon cœur, je te l'ai donné. Et tu m'en demandes plus encore. Et je sais que c'est moi qui ai merdé. Mais je suis bloqué. Donc on fait comme si de rien n'était. Pas tout avoir, on se voit quelques soirs. Mais on sait tous les deux qu'on a tort. Je devrais tout stopper mais j'y arrive pas. Comment te laisser tomber. Je devrais m'éviter mais t'y arrives pas. Rien que le fait d'y penser, non merci. Quand on est ensemble on ne sait même plus quelle heure il est. Mais tu sais pourquoi je suis obligé de m'en aller. Tout ce qui arrive est de ma faute. Pas pour une autre. Et tu voulais mon cœur, je te l'ai donné. Et tu m'en demandes plus encore. Et je sais que c'est moi qui ai merdé. Mais je suis bloqué. Donc on fait comme si de rien n'était. De rien n'était. Comme si de rien n'était. De rien n'était. Et tu voulais mon cœur, je te l'ai donné. Et tu m'en demandes plus encore. Et je sais que c'est moi qui ai merdé. Mais je suis bloqué. Donc on fait comme si de rien n'était. C'est douloureux, mais continuer ça nous rend pas plus heureux. Y'a qu'une victime dans l'histoire, c'est pas nous deux. Et je fais du mal à celle qui m'a tout donné. Ça n'a pas de prix, son amour n'a pas de prix. Et tu l'as bien compris, j'ai choisi de te laisser partir, nous deux c'est mort. Et tu voulais mon cœur, je te l'ai donné. Et tu m'en demandes plus encore. Et je sais que c'est moi qui ai merdé, mais je suis bloqué.